je vais vous parler d'un truc qui est dans l'air du temps. Du temps où mon grand-père avait hérité des terres de son père. Je suis allé chez le notaire, c'est un vrai gangster. Je voulais acheter les terres des frères R qui habitent à Poulaire, près du Finistère. Le Finistère, c'est là où finissent toutes les terres. Après, c'est la mer, c'est plus les terres. Sauf Belle-Île-en-Mer, mais c'est plus mes terres. Mes terres. Mes terres. Mes terres. Sous mes terres, il y a du lierre. Sous le lierre des pierres de mes terres se traînent des vipères. Pour faire taire les vipères, j'ai mis le feu à mes terres. Dans les airs sont venus des canadaires qui ont mis de l'eau sur mes terres. J'étais pas fier. Ça cassait le verre des serres de mes terres où poussent mes pommes de terre. Faut pas confondre les vipères avec les vers de terre. Quelle affaire! Mon fils a quitté les terres pour étudier le binaire. C'est un universitaire. À quoi ça sert? Ça a mis des vers dans les viscères de mon frère. La cérémonie funéraire aura lieu sur mes terres. Mes terres! Mes terres! Mes terres! Mes terres! Il sera mangé par les vers qui vont aérer ma terre. Pas besoin de les mettre en jachère. C'est bon pour les pommes de terre qui poussent près des pierres ou poussent au lierre qui abritent les vipères de mes terres. Tu veux un verre? Un verre de terre. Il y en a plein par terre. D'ailleurs, sous mes terres, j'ai fait construire un parterre. D'où je vois la mer qui borde les pierres qui sont sur mes terres. Mes terres. Mes terres. Et Robert, t'es fier de tes terres. Moi les miennes, je les vends pas cher. C'est une affaire. Mes terres. Mes terres. C'est précieux ça. Mes terres.